Exhumation de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus 1910. D'après archives Carmel Lisieux.fr, in, PDF, La Chasse du Brésil, Mark Emdand Licence Creative Commons CC 3.0F. Dès que le procès de béatification de la servante de Dieu, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face fut décidé, la question de la meilleure conservation de ses restes se présenta à la pensée de sa grandeur Monseigneur Lemonnier, évêque de Bayeux et Lisieux. Le concours progressif des fidèles auprès de la tombe, située dans le cimetière municipal, empêchait que le corps ne fût soustrait à leur témoignage de confiance. Aussi, après entente convenue et sur l'ordre de Monseigneur l'évêque de Bayeux, un des membres de la famille, le docteur Francis Lanel sollicita de l'administration de la ville de Lisieux les autorisations requises. Elles furent accordées avec courtoisie par la mairie de Lisieux, et la date fixée au 6 septembre 1910, pour l'exhumation et le transfert, en présence du commissaire de police de Lisieux, dans une autre partie de terrain réservée à la sépulture des Carmélites. Monseigneur Lemonnier, accompagné de M. Quirier, son vicaire général, et de M. le chanoine Maupas, supérieur du Carmel et curé de la paroisse Saint-Jacques, revêtu de l'habit de cœur, se rendirent au cimetière vers 3 heures de l'après-midi. Ils étaient attendus par messieurs les curés de Lisieux, par un nombreux clergé et messieurs les docteurs de Cornières et Lanel. Une fosse nouvelle avait été creusée à 2 mètres de profondeur. Elle est située dans l'angle nord-ouest du terrain réservé aux Carmélites, section J3, à 0,25 cm du mur qui longe la contre-allée, et à 1,50 m du mur qui lui est perpendiculaire. À son arrivée, Monseigneur l'évêque bénit le caveau, ou sorte de loculus en briques disposés dans la fosse aux dimensions du cercueil, et, pendant les derniers préparatifs, se place sur les terres retirées des fouilles et récite son office avec les prêtres qui l'accompagnent. L'enclos était entouré d'une fermeture de bâches élevée à 2 mètres de hauteur, pour éviter aux assistants la vue des détails de l'opération qui pourrait être pénible. Déjà plusieurs centaines de personnes s'étaient rendues spontanément au cimetière et attendaient recueillies et silencieuses, des malades avaient été amenés et priaient avec ferveur. Les travaux préliminaires étaient rendus difficiles par la profondeur à laquelle avait été faite la première inhumation, en 1897. À cela vint s'ajouter l'état de décomposition du cercueil en bois de sapin. Les planches supérieures étaient en partie disjointes, celles des parties latérales tenaient assez bien, mais il était grandement à craindre que le fond de la bière, d'une altération à peu près complète, ne céda au moment de l'extraction. La compétence professionnelle de M. Bingol, directeur de la maison H. de Borniolles de Paris, permit de triompher des difficultés redoutées. Un de ses meilleurs employés, amené de Paris, parvint à glisser des courroies sous la bière et à passer des planches pour refaire comme un nouveau fond. La partie supérieure fut couverte de toiles épaisses, et le cercueil ainsi enveloppé fut solidement lié par des courroies. Les fossoyeurs, agissant avec un respect qui ne se démentit pas un instant, remontèrent lentement et avec les plus grandes précautions le cercueil sans que les ossements soient déplacés. Lorsque ce travail, suivi avec anxiété, fut achevé et que la bière reposa sur le sol, Monseigneur demanda au clergé de psalmodier avec lui le psaume, si approprié à la circonstance, Laudate pueri Dominum. Voici dans quel état se trouvait le corps. Il était réduit à l'état de squelette, toute trace de peau avait disparu, le crâne reposait à sa place, séparé du tronc, le maxillaire inférieur était détaché. L'ensemble du squelette était maintenu par la grosse robe de bure des Carmélites, l'étoffe conservait sa couleur et avait perdu toute consistance, une certaine quantité de terre avait pénétré près des restes. La petite croix de bois placée entre les mains de la sœur Thérèse de l'Enfant Jésus après la mort était intacte et dans la même position. Elle a été offerte à sa grandeur. Une palme naturelle et stérilisée fut trouvée dans un état de conservation parfaite. Elle a été malheureusement assez endommagée après avoir été retirée. La défense formelle de Monseigneur de ne rien soustraire des ossements fut religieusement observée, et, sur sa permission, le docteur Lanel ouvrit la robe à la hauteur de la poitrine et constata que le cœur avait disparu comme toutes les autres parties de chair. L'ancien cercueil a été déposé sans couverture dans une bière de plomb disposée dans un cercueil de chêne. Sur les vêtements détériorés, le docteur Lanel étendit une partie antérieure et neuve, spécialement préparée pour la circonstance, de la robe, du scapulaire et du manteau des carmélites. Le crâne fut recouvert du voile noir des prophètes et entouré de fleurs. Ces préparatifs terminés, les fidèles présents furent admis à défiler et ne cessèrent de donner les marques les plus touchantes d'un pieux respect. On estime à plus de 500 personnes celles qui vénérèrent les restes, après 3 heures d'attente. Chacun faisait toucher au corps des objets pieux, on vit des ouvriers approcher leur alliance de mariage. Cependant, on rédigeait un procès verbal sommaire pour le déposer dans le cercueil. En voici le texte et les noms des signataires. L'an du Seigneur 1910, le 6 septembre, en présence de sa grandeur Monseigneur Le Monnier, évêque de Bayeux et Lisieux, de Monsieur Acquirier, vicaire général, de Monsieur le Chanoine, du Bosc, supérieur du Grand Séminaire, de Monsieur le Chanoine, des Landes, archiviste du diocèse, de Messieurs les curés des trois paroisses de Lisieux, de Monseigneur R. de Teille, de plusieurs chanoines et de prêtres, de messieurs les docteurs de Cornières et Lanel, de quelques autres personnes et de monsieur le commissaire de police de Lisieux, les restes de la servante de Dieu Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Marie-Françoise Thérèse Martin, ont été exhumés, sur l'ordre du Monseigneur l'évêque de Bayeux, désireux de mieux assurer leur conservation. Le corps, revêtu du costume des carmélites et placé dans un cercueil de sapin, avait été inhumé, le 4 octobre 1897, devant plusieurs des personnes ci-dessus désignées, à 3 mètres de profondeur. La fosse, qui n'a pas été fouillée depuis lors, était située en première place à l'angle sud-est d'un terrain rectangulaire, clos de murs, affecté à la sépulture des carmélites, dans le cimetière de la ville de Lisieux, section, JA3, le cercueil reposait à la place et à la profondeur indiquée, il a été remonté, avec grande précaution, par les fossoyeurs attitrés du cimetière, dans un état d'altération presque complète à la partie inférieure, retiré avec un religieux respect, avant d'être déposé dans une bière de plomb. Il est reçu à la psalmodie du psaume Laudate Pueri Dominum. À l'ouverture du cercueil, on ne trouve que les ossements enveloppés dans la bure du Carmel. Alors les témoins présents ont signé le présent procès verbal pour être déposés dans le cercueil de plomb, enfermé dans un tube de métal, fait à Lisieux, les jours et en que dessus. Ont signé, Thomas, évêque de Bayeux et Lisieux messieurs Quirier, du Bosc, des Landes, docteur de Cornières, docteur Lanel, pour le commissaire de police, Fourquemin, Ducellier, Cachelou, Pitron, Maupas, R. de Teille, Bisson, Durel. Vers 5 heures, le procès verbal ci-dessus rapporté, écrit sur parchemin timbré portant les armes de Monseigneur Le Monnier, Thomas-Paul-Henri Le Monnier, 1853, 1927, évêque de Bayeux et Lisieux à partir de 1906, fut enfermé dans un tube de métal et déposé près du corps. Le cercueil de plomb fut aussitôt fermé. Sur la couverture est soudée une plaque de plomb avec l'inscription gravée, Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Marie-Françoise Thérèse Martin 1873-1897. Le même texte se lit sur une plaque de cuivre fixée sur le cercueil de chêne. 2 empreintes de chacun des cachets armoriés de Monseigneur Le Monnier, évêque de Bayeux, et de Monseigneur de Taille, vice-postulateur de la cause de béatification, sont apposés sur la soudure aux quatre angles du cercueil de plomb. Il ne restait plus qu'à fixer le couvercle en bois de chêne. Peu après, le lourd cercueil reposait dans le caveau, protégé par une voûte de briques en attendant qu'elle soit recouverte de la terre qui ne laissera subsister aucune différence entre cette tombe et celle des autres religieuses. On a ajouté, sur l'humble croix de bois des Carmélites, au nom de la sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, la parole qui inspire tant de confiance aux âmes, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je sens que je vais entrer dans le repos. Mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. 17 juillet 1897, 2 heures du matin, le carnet jaune de Pauline. Trois planches du cercueil en mauvais état mesurant, l'une 1,93 m de longueur sur 23 cm à la plus grande largeur et 13 à la plus petite, la seconde 1,93 m de long sur 19 cm à la plus grande largeur et 0,145 m à la plus petite, la troisième est brisée en deux morceaux très détériorés qui présenteraient une longueur de 1,92 m. Elles ont été rapportées au Carmel de Lisieux et confiées par Monseigneur l'évêque à la garde des religieuses. Fait au monastère de Lisieux, en double, le 9 septembre 1910, signé, Thomas, évêque de Bayeux et Lisieux-Quirié, VGLS. Lettre du docteur Francis Lanel à sœur Françoise Thérèse, Léonie, le 10 septembre 1910, archives carmel-lisieux.fr. L'exhumation de notre petite Thérèse s'est très bien passée, le corps était entier, mais il n'y avait plus que les ossements desséchés, sans peau ni chair. Sa gerbe, plante verte stérilisée, était très bien conservée. Je l'ai retirée ainsi que le plus de vêtements que j'ai pu. Le voile n'existait plus. La croix de son chapelet était dans ses doigts, d'une autre main, au pied de la page, c'était, non la croix du chapelet, mais la petite croix de bois qu'on met entre les doigts de nos défuntes, avant de fermer le cercueil. Je l'ai fait offrir à Monseigneur qui a été très content de ce souvenir. Quand le cercueil a été sorti, Monseigneur a psalmodié avec tous les prêtres présents le Laudate Pueri et il a jeté de l'eau bénite. J'ai revêtu Thérèse d'habits neufs qui recouvrent ses cendres, j'ai mis plusieurs bouquets dans la bière et j'ai placé un voile neuf sur sa tête. Les bâches qui cachaient le cimetière du Carmel ont été baissées sur la demande que j'ai faite à Monseigneur et on a exposé le cercueil ouvert devant la porte. Tout le monde, 7 à 800 personnes qui attendaient en priant depuis 2 heures ont défilé devant, et ont fait toucher une foule d'objets. Monseigneur était en habit de cœur ainsi que l'abbé Quirié et le curé de Saint-Jacques. Il y avait quantité de prêtres. Ensuite le cercueil de plomb a été soudé et cacheté aux armes de Monseigneur de Bayeux et de Monseigneur de Taille. J'ai enlevé les trois planches du couvercle du cercueil et 6 sacs de terre ayant touché le cercueil. Tout est porté au Carmel. Monseigneur m'a dit qu'il recommandait qu'on ne donne rien de la robe ou des planches sans sa permission excepté à la famille. Tout s'est admirablement passé. Monseigneur a gardé une excellente impression de cette cérémonie et de l'attitude de la foule. Un procès verbal, un parchemin a été renfermé dans un tube de plomb scellé aux armes de l'évêché et renfermé dans ce cercueil de plomb. Vos sœurs ont dû vous raconter tout cela. J'ai tenu la tête de la petite sainte dans mes mains et je lui ai demandé qu'elle nous obtienne, à ma femme et à moi d'aimer le bon Dieu comme elle. On avait dit à tout le monde que la cérémonie était privée, et qu'on ne verrait rien qu'il ne fallait pas y aller. Cette exhumation fait un bruit énorme en ville. Votre grand frère dévoué, docteur Lanel.